Le crime de Tom Barclay par Georges Libertet. Chapitre 1er. Sur l'herbe humide de rosée, les purs sangs douillettement enveloppés de couverture tournaient en cercle sous l'œil attentif des entraîneurs. Ils marchaient d'un pas souple, berçant les petits lades juchés sur leurs garrots. Mal réveillés, les gamins frottaient leurs yeux bouffis de sommeil, s'étiraient et bâillaient. Parfois, un poulain en gaieté hennissait tout à coup et pointait. Puis, après deux ou trois bonds, calmé, l'animal reprenait la file, tandis que l'enfant, cramponné au pommeau de la selle, promenait sur ses camarades un regard vainqueur, tout fier de n'être pas tombé. Au fond d'une allée, le soleil émergeait lentement de la forêt. Ses rayons obliques, frappant la robustrée des chevaux, les transformaient en de merveilleuses statues de bronze animé. Tantôt ils paraissaient vêtus de soie chatoyante, tantôt d'un velours où se fondaient toutes les nuances, tantôt en raies de lumière, passant à travers les feuilles, les habillait de moire changeante. Cette matinée de juin s'annonçait radieuse. Pas un nuage au ciel. Un souffle tiède agitait doucement l'atmosphère et inclinait vers l'ouest les minces colonnes de fumée qui commençaient à s'échapper des cheminées des premières maisons de chantilly qu'on devinait à travers les arbres. Dans un chemin latéral, presque solitaire, Tom Barclay surveillait le défilé de sa cavalerie. Elle était peu nombreuse et passait pour médiocre. Ses 8 poulains et pouliches, d'un joli modèle, mais encore décousus et trop en chair, paraissaient manquer de travail pour figurer dans les grandes épreuves. L'entraîneur était un homme de 60 ans environ, court sur jambes. Un soupçon de ventre tendait son gilet de couleur. Toujours guêtré de cuir fauve, armé d'un fouet de chasse, il inspirait à tous une défiance instinctive, justifié par l'éclat inquiétant de ses yeux bleu clair. Avec sa face large et rouge, soigneusement rasée, ses cheveux blonds tirant sur le roux, coupés à la tondeuse, et sa courte pipe, invariablement fixée à la commissure de ses lèvres, il offrait, dans toute sa pureté, le timbre britannique de l'homme de cheval. Tom Barclay parlait peu et par phrases brèves. Sa brutalité était proverbiale dans le monde des courses. On prétendait même que plusieurs petits lades, congédiés à la suite de fautes légères, étaient sortis de son établissement les oreilles rouges et les chines meurtries. On jasait aussi sur ses démêlés financiers avec ses fournisseurs, son personnel et tous ses créanciers. Nul plus que lui n'épluchait les factures des marchands d'avoine et de foin. D'une avarice sordide, il éprouvait une répugnance extrême à payer ses dettes. Cependant, son habileté, sa science du cheval et ses aptitudes professionnelles avait fait longtemps oublier au propriétaire quelques histoires fâcheuses qui avaient couru sur son compte au temps de ses débuts. Un moment, il avait été question de courses faussées, de concurrents piqués à la morphine, de seaux d'eau savamment sucrés, présentés avant la course à des favoris gênants. Mais aucune preuve n'ayant été relevée contre lui, ses collègues, en général assez indulgents, avaient passé l'éponge sur ses peccadilles. Tom Barclay connut la prospérité, gagna les grandes épreuves classiques, et entraîna les chevaux des propriétaires les plus considérables du turf. Mais la guigne persistante qui s'acharnait depuis quelque temps sur ses élèves avait mis en fuite ses meilleurs clients. Seul le marquis de Vernières, vieil éleveur normand, très riche, ancien écuyer de Saumur, était resté fidèle à son vieux serviteur dont il connaissait les ressources. Ce matin-là, le vieux Tom, comme l'appelaient familièrement les habitués du pesage, était d'une humeur massacrante. La veille encore, un poulain sur lequel il fondait quelques espérances avait été battu d'une courte tête dans un prix à réclamer. Aussi sa voix rauque avait-elle une vibration particulière, qui annonçait chez lui un orage imminent. « Ah ça, William, dormez-vous ce matin, mon garçon? Voulez-vous que je vous réveille ?» s'écria Tom Barclay en faisant claquer son fouet de chasse. « Votre cheval flotte à droite et à gauche. Avez-vous des jambes, oui ou non? Oui? Eh bien, tâchez de vous en servir, sinon... » Et l'entraîneur fit un signe menaçant qui ramena instantanément le pur sang et son minuscule cavalier au rang qu'il devait occuper derrière les autres. « Bonjour, vieux Tom, » dit un nouvel arrivant, long et maigre personnage perdu dans un énorme pardessus mastic qui lui tombait sur les talons. « Bonjour, Dixon, » répondit d'un ton bourru le vieux Tom. Barclay n'aimait guère son voisin dont l'écurie traversait en ce moment une période de veine insolente. Le bruit courait d'ailleurs que maître Dixon savait, d'une main experte, corriger la chance rebelle et qu'il entendait à merveille l'art d'amener au poteau les chevaux les moins qualifiés. Il y avait entre lui et Barclay une vieille rancune, faite de jalousie réciproque. Dixon avait envié Tom autant de sa prospérité, et celui-ci à son tour jalousait son concurrent plus heureux. Un prêt d'argent, consenti par le premier au second, qui n'avait pu régler encore sa dette, jetait un certain froid dans leur relation. « Avez-vous quelque chose en ce moment chez vous ?» demanda le nouvel arrivant. « Hélas, non !» soupira l'entraîneur du marquis de Vernières. « Voyez-vous, ces bêtes-là sont tardives au point qu'il n'y a rien à faire avec elles avant la quatrième ou tout au moins avant la fin de leur troisième année. Par exemple, elles sont solides. J'ai vu des animaux de cet élevage quitter le turf à 6 ans avec des jambes aussi nettes qu'un poulain de 2 ans. Oui, mais en attendant, le vieux Tom tire la langue et serre sa ceinture. » Barclay esquissa un geste de colère et tourna le dos à son facétieux interlocuteur. À ce moment arrivait un cheval, conduit en bride par un palefrenier. Il n'avait pas pris part à la promenade matinale et ne portait point de couverture, mais seulement une selle anglaise légère du modèle courant. « Ah ! » s'écria Dixon, qui avait suivi son camarade. « Voici l'invincible Villard, le gagnant du grand steeple. Vraiment, my dear, je ne comprends pas que vous vous plaigniez du sort avec un pari animal dans votre écurie. » À vrai dire, Villard justifiait cet enthousiasme. C'était un admirable alezan de 5 ans, dont la roue avait des reflets de satin. Sa haute taille et l'aisance de ses pas laissaient deviner la puissance de ses muscles d'acier. L'inclinaison de l'encolure, l'étendue des rayons, la hauteur du garrot indiquaient la vitesse, tandis que la régularité des aplombs, la vigueur des jambes, la profondeur de la poitrine prouvaient la force rare et la résistance presque inépuisable du cheval de M. de Vernières. De plus, il y avait dans le port de sa tête, dans l'éclat de ses yeux striés d'artérioles, une expression d'ardeur et de courage qui dénotait le tempérament généreux de cet animal exceptionnel. Villard avait déjà fourni une carrière triomphale. Sur toutes les distances, sous les plus gros poids, en haie comme sur les gros obstacles, il avait accompli avec une telle facilité des exploits réputés impossibles que sa victoire dans le grand steeple d'Auteuil ne faisait de doute pour personne. À considérer son pensionnaire, le vieux Barclay ne pouvait se défendre d'une instinctive admiration. « Et vous ? » demanda-t-il machinalement à Dixon. « Comptez-vous faire partir quelqu'un de vos élèves ?»« Dans la course, j'aurai probablement Bagatelle, » lui dit son interlocuteur, « si toutefois elle conserve sa forme. Bagatelle, une bonne bête. Mais je doute qu'elle vienne à bout de Villard. Peut-être. Sait-on jamais ?» « Allons, Dixon, vous ne prétendrez pas que votre jument est une chance contre mon cheval. »« Régulièrement, non, mais il y a l'accident. »« La chute !» s'écria le vieux Tom en riant malgré sa mauvaise humeur. « La chute ! Mais Villard n'est jamais tombé. »« Bon, il y a un commencement à tout. »« Vous savez bien aussi qu'il aura sur le dos la plus fine cravache. »« Votre futur gendre, Jean Marolles, un drôle qui monte à la française, avec les talons aux sangles, assis au fond de la selle et les rênes longues. » « Tenez, Barclay, je ne vous comprends pas. Non seulement vous confiez vos chevaux au seul jockey qui ne soit pas anglais comme vous et moi, un maréchal des logis de hussards, mais encore vous lui donnez en mariage votre fille, l'exquise Suzanne. En vérité, mon cher, c'est à douter de vos facultés. » Barclay resta un moment interdit. Ce persiflage semblait le mettre au supplice. Il roulait et déroulait la tresse de son fouet, faisait passer sa pipe de droite à gauche et tirait des bouffées précipitées. On sentait que le reproche de Dixon lui causait un véritable malaise et comme un remords vague d'avoir manqué un obscur devoir. « Écoutez, Dixon, réellement, je n'étais pas libre de refuser, » dit-il avec embarras. « Vous savez que Jean est le pupille de M. de Vernières, qui l'a élevé, fait instruire et placé chez moi. Il paraît que le père Marolles occupait auprès du marquis le poste d'homme de confiance et que cet imbécile a trouvé le moyen de mourir pauvre. Enfin, le marquis m'a imposé son protégé. » Il lui a donné le titre de premier jockey de l'écurie et m'oblige à utiliser ses services à l'exclusion de tout autre. Or, j'ai bien compris, quand le marquis lui-même a demandé pour Jean la main de Suzanne, qu'il manifestait une volonté plutôt qu'il ne formulait une prière. D'autre part, la petite était toquée du français. Bref, pour ne pas me brouiller avec mon unique client, j'ai dû me résigner. Oui, oui, évidemment, mon pauvre Tom. Perdre les chevaux de M. de Vernières serait pour vous une catastrophe. Car enfin, les temps sont durs, n'est-ce pas ? Barclay ne répondit pas. Il leva simplement les yeux au ciel et haussa les épaules. Les paroles de son collègue orientaient ses réflexions vers la mélancolie. Criblé de dettes, il vit se dérouler son avenir. Son établissement saisi, sa maison vendue, tout l'effort de sa vie anéanti. Il pressentit la déchéance prochaine et la lutte quotidienne contre l'adversité, les démarches infructueuses, l'humiliation de recevoir des ordres après avoir régné en maître tyrannique sur un nombre personnel. Un accès de rage impuissante le secoua tout entier. Il mordit avec fureur la paume de son fouet et resta silencieux. Dixon suivait avec un mauvais sourire la trace des passions violentes qui bouleversaient le visage de son interlocuteur. Ce désespoir contenu semblait le remplir de joie, et poursuivant un plan savamment combiné pour affoler Barclay, il reprit d'un ton léger « Heureusement, cher ami, que la victoire de votre villard est certaine, ou à peu près. C'est dommage toutefois qu'il parte grand favori. Avez-vous vu la dernière cote ? Non. Eh bien, au salon des courses, on payait 3 pour lui. À ce taux-là, l'affaire ne vaut rien. Tandis que si Bagatelle gagnait, hein, mon bon Tom, personne n'en voulait à cette contrainte. Quel joli coup il y aura à faire pour nous deux. Enfin, n'en parlons plus, puisque votre jockey est un serin et que vous êtes devenu vertueux comme un clergyman. Au revoir, vieux garçon. » Sans répondre, Barclay serra la main que son compagnon lui tendait. Il semblait réfléchir profondément, et l'effort de sa pensée creusait entre ses sourcils un pli vertical. Dixon s'éloignait lorsque tout à coup, comme s'il se souvenait brusquement d'avoir oublié une importante communication, il se frappa le front et revint sur ses pas. S'approchant de l'entraîneur du marquis de Vernières, qui plongé dans sa rêverie était resté immobile, il lui dit à brûle-pourpoint : À propos, est-ce que vous avez pensé à la petite dette de 12 000 francs que vous avez contractée vis-à-vis de moi ? L'échéance s'est passée depuis plusieurs jours. Oh, je ne suis pas pressé à 24 heures près, mais enfin, il sera peut-être utile de liquider cette vieille affaire. Les temps sont durs, ami Barclay, les temps sont durs. Et le sinistre personnage disparut en ricanant dans l'ombre du taillis. Tom était demeuré anéanti sous ce dernier coup. Il roulait des yeux hagards et se promenait de long en large d'un pas saccadé, en murmurant des paroles incohérentes. Les lades, surpris de ne plus entendre la voix du maître, avaient instinctivement arrêté leur monture. Tous considéraient avec stupéfaction l'agitation de l'entraîneur, d'ordinaire si froid et si compassé. Enfin celui-ci, comme s'il sortait d'un cauchemar, promena autour de lui un regard étonné. Il vit ses chevaux immobiles et ses palefreniers pétrifiés d'étonnement. Cette curiosité dont il était l'objet changea le cours de ses idées. Il entra soudain dans une violente colère et bondit le fouet haut sur Williams, son premier garçon. « Canaille ! Idiot ! Brute ! » Sa voix s'embarrassait comme si tous les jurons de la langue anglaise avaient voulu sortir à la fois de son gosier. « Au trot, double crétin, au trot » cria-t-il. Terrifiés, chevaux et cavaliers prirent le trot, tandis que Barclay, soudain calmé, rappelé par le mouvement à son devoir professionnel, tirait sa montre pour mesurer le temps de la reprise. Au bout de quelques instants, il commanda sur un ton normal « Halte ! William, vous allez courir avec la barbouilleuse 2 000 mètres au bon train. Joliqueur ira sur 1 200 mètres doucement. Les autres ne prendront qu'un canter. » Les chevaux s'éloignèrent. Seul Villard continuait sa promenade. Barclay le considéra un moment en silence, et son œil eut une lueur étrange. « Si tout de même il tombait dans le grand stiple, » murmura-t-il entre ses dents.